Le nouvel hebdo nous apprenait la semaine dernière qu'il y a un projet actuellement en cours à qui relierait l'Acadjim à Chibougamau. On parle évidemment d'un sentier de quatre roues et il serait parrainé par le Club Quad. Où en est rendu le projet? On en parle avec Yvan Pilote, qui est le vice-président du Club Quad. Salut Yvan! Salut Denis, ça va bien? Ça va bien, ça va bien. Yvan, d'abord, si on parlait un peu de ce projet-là, ça fait longtemps que c'est en pour parler, hein? Oui, ça fait longtemps que c'est en pour parler, OK, parce que il y a déjà des personnes qui partaient du lac Adjim et ils se rendaient à Chibougamau. Okay. Donc, moi-même, je l'ai déjà fait aussi. À partir de ce moment-là, c'est quand même un bon travail. Nous, ce qu'on a voulu, effectivement, au niveau du Club Quad, c'est d'identifier où qu'on pourrait passer, okay, pour se rendre à Chibougamau. C'est trois membres du club, je veux dire, Michel, après ça, Fernando, puis Mario, qui ont fait le trajet, OK, puis ont quand même identifié les secteurs où on pourrait passer comme tel. Ça donne autour de 250 kilomètres. Okay, okay. Là, présentement, ce qu'on a fait aussi, c'est qu'on a donné un mandat au groupe Agir, OK, pour nous dire effectivement ce serait quoi l'estimation des coûts pour ce projet-là, pour les ponceaux puis les chemins comme tels. Apparemment qu'il n'y a pas grand-chose à faire dans les chemins, OK? Il y a quelques ponceaux qui sont à réparer, mais il y en a qui sont très bons, là. Okay. Ouais. Donc, vous avez-tu quand même des idées de coûts que ça pourrait coûter? Non, présentement, non. On attend l'estimation, effectivement, en ce qui concerne Agir, OK? C'est eux autres qui vont nous dire, effectivement, comment ça risque de nous coûter, là. OK. Okay? Avez-vous eu des négociations avec les gens de Chibougamau également, parce qu'il y a le pendant du Club Quad, là? Oui, on a eu la semaine passée, on avait une réunion justement du Club Quad et on a reçu une lettre de collaboration du secteur nord qui comprend Chibougamau-Frappin. Ils nous ont dit qu'effectivement, qu'ils étaient d'accord avec ce projet-là, ils étaient prêts à collaborer à 100% avec nous autres là, en ce qui concerne le projet. Parce qu'il faut penser qu'un coup que le projet va être fait, il va falloir aussi l'entretenir, OK? Ouais. Et à partir de ce moment-là, nous autres, ce qu'on pensait présentement, c'était que Chibougamau entretienne la moitié, puis nous autres, Club Quad, Maria Fabelaine, qui entretiennent l'autre moitié. C'est des ententes qu'il va falloir prendre avec nos partenaires de Chibougamau-Frappin, secteur nord, comme on dit. Dans le rapport du groupe Agir, est-ce qu'on parle également des estimés de l'entretien, des coûts? Présentement, je veux dire, on n'a pas reçu le rapport, OK, parce que c'est un mandat qu'on vient de donner au groupe Agir, là. Ouais. Ben, c'est pour ça qu'à partir de ce moment-là, on n'a pas, puis il va falloir attendre que les chemins, c'est ici, là, c'est pas pensable d'aller vérifier ça, ouais, là. Ouais. Ben, ils vont pas souvent y aller au printemps, puis ils vont arriver des coûts à ce moment-là. Okay. Ben, c'est un projet quand même qu'on veut voir aboutir assez rapidement. Là. Ouais. Ben, est-ce que ça va être cette année ou l'année prochaine? Mais c'est sûr que des sites à l'année prochaine, ce projet-là devrait être abouti. Es-tu confiant quand même de savoir, parce que là, vous savez pas où s'en est rendu, les coûts. Vous m'avez dit que peut-être qu'il n'y aura pas de... Il n'y a pas grand-chose à faire, mais ça reste que c'est le nerf de la guerre, le financement, là. Oui, c'est ça, mais nous autres, il y a quand même du financement qui va se faire au niveau du Club Quad, il y a du financement qui va se faire aussi au niveau régional. Apparemment, c'est un projet, là, puis il y a du financement qu'on va demander aussi au secteur nord, Chibougamau-Frappin, là. Okay. Bon, on va quand même partir avec ces organismes-là présentement, là. T'sais? Ouais. Ben, c'est pour ça, parce que l'étude comme telle, je me rappelle pas si c'est ça-là de la faune ou si c'est ça-là de Chibougamau-Frappin, mais au niveau régional, il y avait des fonds pour nous permettre les études. Okay? Après ça, en ce qui concerne le projet, ça va être d'autres choses. Okay. Dis-moi, du côté aussi des... Nouvelle-Hebdo nous annonçait également qu'il y aurait des... vous allez regarder du côté des études aussi pour voir les calvettes, également voir les coûts d'entretien, s'il y a bien des réparations. Oui, il y a un projet présentement qui se fait avec la faune et l'environnement, OK, qui nous permet effectivement de vérifier nos chemins, l'état de nos chemins, l'état des ponceaux, des ponts, etc., OK. Fait que d'autres, on a embarqué dans ce projet-là qui devrait normalement, l'étude devrait sortir, le rapport devrait sortir normalement l'automne 2020, okay, pour qu'on puisse déjà, en 2021, être capable de prioriser nos sentiers, savoir qu'est-ce qu'on commence, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qui est prioritaire, OK? Parce que là, présentement, on y allait, Wapsina qui commençait à briser, on allait le réparer, mais là, en ayant une priorité comme ça, on va être capable déjà de faire en avance s'il y a du danger par rapport à certains ponceaux. Oui. OK, mais il y a combien de membres du Club Quoi? On est au-dessus de 600 présentement. OK. On est au-dessus de 600 membres au Ah, niveau c'est du quand Club même. Quad présentement. C'est. Puis c'est ça, là. C'est ça. Nous autres, on va tenir prochainement, je veux dire, une rencontre avec tous nos membres, tout ça. Puis on va leur exposer tous les projets, puis on va leur dire effectivement où ça en est rendu. OK. Donc, c'est quand même pas tard pareil, 600 membres. C'est quand même Oui, intéressant. c'est très, très vivable. À 100 membres, c'est très, très vivable. Ce qui est intéressant, effectivement, parce qu'on a eu quand même une bonne augmentation. OK, on peut pas dire je veux dire, quand on parle du chantier du 49e, OK, on peut pas dire que ça n'a pas aidé. Je pense que ça l'a aidé, là, parce que c'est une boucle que les gens peuvent se permettre, OK. Je veux dire, parce que, comme je disais tantôt, le quad, là, je veux dire, quand tu as viré 100-150 km d'une journée, c'est vraiment d'avoir des bonnes journées. Ça, mon pêche pour amour, en fait, tu pars de bonne heure le matin pour arriver dans l'après-midi, là, puis. Tu sais, au fait, t'emmènes Ben oui, effectivement. un run. T'emmènes un run, puis de l'essence aussi. Ouais, Yvan, Un run, puis de l'essence. est-ce qu'il y a, une piste qui relie pas mal tout le Québec du coin? Là, présentement, c'est ça. C'est que la piste de Chibougamau, au lac Atchim-Chibougamau, c'est des projets de développement. OK. OK? Des projets de développement parce que le club quad, présentement, si on regarde, je veux dire, au niveau du quad, il manque des secteurs. Il manque des secteurs de sentier pour faire en sorte d'être capable d'être capable de faire des bonnes virées dans le Québec, là. Il y a des secteurs qui n'ont pas de sentier pendant tout. Quand tu diriges, là, normalement, dans les villes, des grosses villes, c'est sûr qu'il n'y a pas de sentier qui passe dans les villes. Ben T'sais? oui, ouais, Ouais, effectivement. puis ce qui arrive, c'est que quand tu regardes, je comprends Montréal-Québec d'avoir des sentiers seulement l'hiver, parce que c'est des agriculteurs qui ont quasiment tout le tour, puis les autres, l'été, là, semaine d'heure, tu ne passeras pas dans les terrains, sur leur terrain, là. Hein? Donc, Nous autres, on a la possibilité d'avoir des chemins forestiers. Nous autres, c'est des chemins forestiers qui nous aident beaucoup, là. Donc, la suite des choses, c'est quoi, là, maintenant? On attend le rapport et par la suite, on va chercher du financement? Oui, c'est à plein ça. OK. Ce qu'on va faire, effectivement, pour les deux. Là, présentement, on a quand même donné, je veux dire, de l'argent. En ce qui concerne le projet faune et environnement, on a déjà de l'argent qui est souscrit par rapport à ça, OK? Qui va nous permettre, effectivement, de mettre le projet en branle, puis d'être capable d'avoir le rapport, comme je t'ai dit tantôt, l'automne 2020. En ce qui concerne le projet, je veux dire, effectivement, qui relie l'Acadjim à Chibougamau, je veux dire, c'est ça. Là, nous autres, on va certainement vouloir s'asseoir aussi avec le secteur nord pour prendre des ententes avec eux autres puis signer des ententes. OK? En ce qui concerne le financement, en ce qui concerne l'entretien, etc., etc. Ben, Yvan, Ouais. tiens-moi au courant de ce dossier-là, c'est un dossier intéressant. Parfait. Pour le touriste, c'est intéressant aussi, là. C'est quand même un autre aspect de notre territoire, une autre arrivée. Donc, tiens-moi au Oui. courant pour le plaisir de se reparler. Parfait. Le vice-président du Club Quad, Yvan Pilote.